dès 6-9 mois, les bébés connaissent un petit peu quelques mots. Le robot dans 20 ans, je m'appelle Pepper. Je l'imagine descendre les poubelles. Je m'en charge volontiers. On est capable de diagnostiquer, de mieux traiter, dans quelques cas, avec l'ADN. L'espoir, finalement, c'est de réenchanter notre rapport au cosmos, à la nature et à la vie. Les promesses de la science, c'est votre rendez-vous estival du samedi et du dimanche. Vous allez découvrir au fil des semaines ce qui se prépare dans les laboratoires, dans le domaine de la santé, de l'astrophysique ou de l'éducation. Le premier sujet de cette série est consacré à la cuisine. Raphaël Aumont, physico-chimiste, dirige à l'Université Paris-Sud d'Orsay la chaire universitaire Cuisine du futur. Pour Raphaël Aumont, les préparations de demain seront à base d'ingrédients naturels, mais les modes de cuisson ne seront pas ceux auxquels nous sommes habitués. Comment imaginait-on la cuisine du 21e siècle, il y a 40 ou 60 ans? Dans cette émission, nous évoquerons aussi le passé à travers de savoureuses archives sonores. Mousse au chocolat sans gras, bœuf bourguignon plus savoureux. Pour Raphaël Aumont, la science peut apporter beaucoup au contenu de nos assiettes. Les aventuriers sur France Inter. La question de savoir ce qu'on va manger dans 50 ans est à la fois complexe parce que il y a des produits qui vont être rassurants et qu'on va toujours retrouver. Je pense et j'espère quelque part qu'on va retrouver le Paris-Brest, la tarte aux pommes, etc. Mais il va falloir répondre aussi à des exigences complètement récentes et enfin on prend enfin compte des problématiques de l'eau, des déchets, du recyclable. Est-ce que c'est raisonnable de manger autant de viande? On sait qu'aujourd'hui c'est complètement aberrant. Donc oui, il y a quand même des plats ou des pratiques qui vont évoluer, notamment je pense beaucoup au niveau des protéines animales. Il va y avoir du flexitarisme notamment qui arrive. Quelles sont les questions que vous vous posez, vous, en tant que chercheur? Alors, en tant que chercheur, on répond aux problématiques à Orsay du plaisir, bien-être et santé. Donc on se projette en 2050. Quelle sera la cuisine en 2050? Mais on doit avant tout, et ça c'est Thierry Marx avec qui on a la chance de travailler, qui a donné ce souffle, attention, la cuisine, ça doit rester du plaisir. Mais on doit, c'est ce que je disais à l'instant, répondre aux exigences nouvelles de, bah oui, mais je veux peut-être manger un peu moins de sucre, parce que je sais que c'est diabétique, je prends de l'âge, peut-être qu'il me faut moins de graisse, mais plus de protéines, mais les protéines, moi, un gros steak, ça me dégoûte. Donc, comment je comble les protéines? Alors, c'est intéressant, et c'est ce qu'on fait au laboratoire, d'aller chercher des protéines végétales, des associations nouvelles. Allez regarder aussi le monde des algues, vous regardez la spiruline. Voilà des sources quand même 3 à 4 fois plus concentrées qu'un steak. Sauf que, si on reste sur la spiruline, on se dit actuellement, c'est que des petites gélules ou des petits sirops ou des choses comme ça qui sont pas gourmandes. Et donc, c'est là qu'on peut apporter de la gourmandise et réfléchir ensemble à la cuisine gourmande de demain. 31 août 1972, France Culture. Comment mangerons-nous en l'an 2000? On présente souvent la nourriture que mangent les astronautes lorsqu'ils volent dans l'espace comme l'image de celle qui sera demain la nôtre. Ce n'est pas évident. Il n'est pas évident non plus que nous devrons absorber demain notre beefsteak frites ou notre bouillabaisse sous la forme de pilules roses ou bleues. Notre alimentation va pourtant changer dans les années qui viennent. En fait, sans que nous nous en apercevions toujours, elle change déjà sous nos yeux, au fur et à mesure que la nourriture devient plus industrielle et davantage fabriquée à la chaîne. Que sera donc cette nourriture de demain? Comment ferez-vous la cuisine en l'an 2000, mesdames? Faut-il craindre ou se réjouir de voir apparaître de nouvelles formes de conserves? Les biologistes sauront-ils obliger les vaches à faire naître davantage de veaux? Alors ça, c'était il y a 47 ans. Et oui, c'est génial parce qu'on se pose finalement les mêmes questions. Donc, on veut pas de ces pilules roses ou bleues dont on parle à l'instant. Et la cuisine, et c'est très juste, est toujours en perpétuel changement. C'est ça qui est intéressant. Il n'y a pas une rupture. Quand le feu a été maîtrisé par l'homme, là, on a pu démarrer les cuissons, on a pu aussi s'élever, on a pu passer à autre chose et aller plus vite. Quand les micro-ondes sont arrivés beaucoup plus récemment, eh bien, ça a créé aussi des nouveaux modes de cuisson. Quand les congélateurs sont arrivés, ça a été des nouveaux modes de conservation des aliments. Donc, il y a un progrès perpétuel, il ne faut pas avoir peur de ce progrès, donc il faut évoluer et cuisiner avec son temps. Il n'empêche, il y a de plus en plus de défiance vis-à-vis des produits ultra transformés. Oui, alors, il faut faire attention aux produits ultra transformés parce qu'effectivement, c'est vraiment, on est sur de la formulation qui est souvent, voilà, je viens de dire le mot formulation quelque part, hein. Donc c'est de la formulation chimique presque, plus que de la cuisine. C'est très facile de prendre de l'eau, prendre un peu d'huile, mettre un épaississant, mettre un conservateur, mettre un arôme et vous faire une fausse mayonnaise. Sans œufs, sans rien. Si on met beaucoup d'eau, on va même vous la vendre en mayonnaise light. Elle va coûter beaucoup plus cher. On vous vend de l'eau, mais on vend surtout plein d'additifs à côté. Et certains de ces additifs sont complètement artificiels, synthétiques, et on n'a pas assez de recul. Donc méfiance sur certains produits ultra transformés. Quand vous regardez une étiquette d'un cordon bleu, il y a 36 ingrédients dans un cordon bleu. Dans un cordon bleu, il y a du faux fromage, il y a de la fausse viande, il y a de la fausse charcuterie. Vous voyez, tout est faux. Et on va vous rajouter du coup plein de choses pour compléter, pour donner les goûts, pour changer les textures. Et c'est comme ça qu'on arrive des fois à 36 ingrédients, dont 10 additifs. C'est hallucinant. Et pourtant, ça va être le plat préféré de tous les enfants. Donc c'est là-dessus qu'il faut vraiment travailler aussi, sur une rééducation du goût et rééducation sociétale presque. Hein, ouais. Mais il n'y a pas que les cordons bleus, il y a beaucoup d'exemples qu'on peut donner. Il y en a un, moi, que j'aime bien, que vous racontez bien, c'est celui des olives noires. Ouais, alors les olives noires, ben voilà, les fausses olives noires, c'est quand même hallucinant. Donc l'histoire, elle est simple, hein. C'est une olive verte qui est sur un arbre, qui va mûrir très lentement, mais ça prend du temps. Et qui dit prendre du temps, ben pour l'agroalimentaire, souvent ça veut dire ça coûte cher. Et puis c'est risqué parce qu'il y a la saisonnalité, il y a le climat, etc. Et donc cette olive qui n'a pas le temps de mûrir, de maturer, de fermenter, mais de développer aussi toutes les saveurs intéressantes de cette olive noire, eh bien elle est cueillie verte. Et bah, il va falloir lui changer un peu la texture parce qu'elle est trop dure, changer les goûts parce qu'il n'y en a pas vraiment, la rendre noire parce que les gens aiment bien les olives noires sur les olives, sur les pizzas ou sur, dans une salade niçoise. Et donc, vous voyez, il va falloir subir des transformations. Et ça, c'est un peu l'histoire de la petite souris. Vous savez, souris verte, trempez-la dans l'huile, trempez-la dans machin. Donc là, on va prendre votre petite olive, on va la tremper dans de la soude pour enlever l'amertume. Ensuite, on va la tremper dans de la saumure, parfois dans du sucre, pour masquer un peu tous ces goûts-là. Et à la fin, le bonus, c'est de le tremper dans du gluconate de fer, qui va donner un pigment noir dans la chair, et qui va colorer artificiellement ces olives. Donc, c'est des olives bon marché, qui sont complètement triturées. Et le pire, c'est que quand vous regardez les ingrédients, il y a gluconate ferreux, ça c'est un additif, mais la soude, c'est pas écrit. C'est ce qu'on appelle un auxiliaire technologique. Et ça, c'est encore pire, parce que c'est des intermédiaires que l'agroalimentaire n'est pas censé écrire sur une étiquette. Et voilà ce qu'on mange en 2019. Et oui, bah oui, il faut pas manger ces produits-là. Il faut bien lire les étiquettes. 28 février 1952, télévision française. L'assassin est à votre table, un pamphlet de Robert Courtine sur la gastronomie et la chimie dans les aliments. Quand un homme a pris le matin à son petit déjeuner un bol de lait écrémé, mouillé, plâtré ou conservé avec du formol, quand il a mangé à son déjeuner une tranche de jambon conservée au borax, des épinards reverdis au sulfate de cuivre et qu'il a arrosé le tout avec du vin coloré, avec de la fuchine ou additionné d'acide sulfurique et cela pendant 20 ans, comment voulez-vous que cet homme ait encore un estomac ? Je pense qu'on peut toujours essayer de manger des choses saines et des choses non trafiquées. Dans l'état actuel de la science, déclarait par exemple le professeur Reading il y a quelques années, nous ne pouvons pas affirmer que les produits chimiques de synthèse que renferment la plupart des aliments ne puissent nous valoir, du moins quelques-uns d'entre eux, de mourir d'un cancer. Il est incontestable qu'on meurt beaucoup plus du cancer maintenant que sous Louis XIV. C'est pas mal vu, ça. C'est pas mal vu parce que il y avait déjà cette notion d'additifs qui sont décriés et tous les additifs ne sont pas bons, effectivement. Un exemple très concret, c'est le colorant caramel. Vous pouvez faire du caramel et puis bah, colorer une panna cotta ou des œufs au lait ou des choses comme ça. Mais par exemple, si vous regardez dans certains colas ou des vinaigres, des faux vinaigres balsamiques, des crèmes balsamiques, etc., vous allez remarquer E150. Alors E, ça veut dire Europe, hein, ça veut pas dire toxique. 150, ça veut dire couleur caramel. Mais le D qui est derrière, ça veut dire ammoniaqué. Et donc là, cette fois, on va pas faire du caramel avec du sucre, qui coûterait encore trop cher. On va prendre des fibres de maïs, d'amidon, de choses comme ça. On va mettre ça avec de l'ammoniac, on va chauffer et on va obtenir un caramel. Et c'est ce colorant-là qu'on va retrouver dans toutes les bouteilles de cola qu'on connaît tous, mais aussi dans des vinaigres, soi-disant crème de velours balsamique, etc. Et ça, faut vraiment lire les étiquettes. Voilà un vrai scandale, par exemple. Que peut apporter la science en cuisine pour les années qui viennent ? La science en cuisine va justement apporter un éclairage rationnel sur les procédés. C'est-à-dire que quand vous parlez à l'agroalimentaire, eux, ils ont l'habitude d'eux. C'est-à-dire c'est une formulation, comme des crèmes de soins. Hein, ils mettent, on a l'habitude de mettre tel conservateur, tel truc, puis on fait comme ça. Et nous, on se dit, mais finalement, regardez les choses que vous êtes en train de fabriquer. Même une mousse au chocolat. Vous dites, qu'est-ce que vous mettez dans une mousse au chocolat ? Ben, je mets des œufs parce que c'est ça qui mousse. Ok. Et puis le, donc ça c'est le blanc d'œuf qui mousse. Qu'est-ce que vous faites du jaune? Bah du coup je le remets, je fais blanchir. C'est le grand truc des pâtissiers. On fait blanchir avec du sucre. Donc on rajoute du sucre, d'accord. On fait fondre le chocolat au bain-marie. On verse le tout dans les jaunes d'œufs et le sucre. Alors là on est à 5000 calories. Mmh. Et puis après on verse l'ensemble dans le blanc d'œuf. Et c'est la recette à peu près traditionnelle qu'on entend parler de mousse au chocolat. Et nous au laboratoire on se dit bon, mais qu'est-ce qui est utile comme ingrédient dans cette mousse au chocolat? Qu'est-ce qui doit rester pour le côté goût? C'est-à-dire que le chocolat, soit vous décidez de le croquer, de le manger, c'est très bon. Ou alors vous décidez de le transformer en mousse, parce que vous voulez une nouvelle texture, mais vous voulez pas vous éloigner trop de ce produit et de ce goût originel de votre émotion chocolat. Si vous mettez plein d'œufs, plein de sucre, plein de beurre, mais vous vous écartez de plus en plus du produit, vous rajoutez plein de calories, mais on vous dit, ah non mais c'est la tradition, ou alors non mais c'est pour la texture. Pas du tout. Aujourd'hui, la science, et c'est en ça que ça répond à votre question, la science peut vous dire, c'est quoi une mousse au chocolat? Alors d'un coup, ça va devenir moins gourmand. C'est une émulsion mousseuse, ce qu'on appelle des colloïdes. C'est-à-dire que vous avez réussi à disperser dans de l'eau, parce qu'il y a beaucoup d'eau dans un blanc d'œuf. Vous avez réussi à disperser de la matière grasse, donc c'est ce qu'on appelle une émulsion. Mmh. Et vous avez réussi à mettre des bulles d'air, piégées mais qui tiennent, ce qu'on appelle une mousse. Donc vous avez fait une émulsion mousseuse. Donc en tant que chimiste, je me dis, si j'arrive à trouver un petit réacteur ou une petite machine où j'arrive à mélanger de l'eau, de l'air et de l'huile, ou du gras, ça devrait faire une mousse type mousse de chocolat. Et vous ça voyez, marche. Je viens de dire mousse de chocolat. Et ça fonctionne. Donc vous prenez moitié eau, moitié chocolat dans une casserole, vous mettez à fondre tranquillement, mettez dans un siphon. Vous savez, les petits siphons, vous injectez de l'air, donc il n'y a plus besoin d'œuf pour faire de l'air, enfin faire de la mousse. Et donc vous obtenez une mousse de chocolat. Et cette recette-là, et on est en train de le tester encore avec des étudiants, enfin on l'a testé là en fin d'année, eh bien vous avez, on peut faire comme ça, mousser du fromage, mousser du foie gras, mousser etc. Mais sans additifs, sans rien, juste en comprenant mieux la science des aliments, même intrinsèques. C'est-à-dire que dans du chocolat, il y a déjà des lécithines, c'est-à-dire des molécules qui vont permettre de mélanger l'eau et le gras. Pourquoi ajouter des additifs type émulsifiant? Dans la peau d'une orange, vous avez plein de gélifiants naturels. Pourquoi jeter ces parties blanches d'orange? Vous les prenez, vous les mettez à infuser à 80 degrés dans un sirop ou dans votre préparation avec des fraises, et ça va gélifier tout seul. Voilà, zéro additif. Juste mieux comprendre ce que la nature nous donne. Oui, c'est ça. Et zéro déchet, du coup. Ça, c'est encore aussi un autre intérêt. Chicken wings, steak. I like thick cheesecake, but homemade. I like a long-lasting lunch break. Give me the food, I say give me the food. Oh! They like the tight pants that I wear. I am Romanian, I love to eat. It's in my jeans, I can't control. Look at my curvaceous cousins, models can't compete. I am a woman, no skinny doll. Give me the food, I say give me the food. Oh! Give me the food, I say give me the food. Oh, give me no fruit if you love me. Give me the food, c'était Miss Platnum. Les Aventuriers, une émission de Fabienne Chauvière sur France Inter. Beaucoup de phénomènes physiques et chimiques interviennent en cuisine. Les connaissances scientifiques permettent d'inventer des textures et des mets nouveaux. Raphaël Aumont est à l'origine de la chaire universitaire Cuisine du futur, créée à Orsay en 2013. Dans son laboratoire, il a par exemple mis au point des films alimentaires à base d'algues. Le laboratoire Orsay, donc le Centre français d'innovation culinaire, porte sur des innovations, un centre d'innovation. Donc on essaye d'innover en cuisine. Innover, ça veut dire mieux comprendre tous les phénomènes qui se passent en cuisine. Et une fois qu'on comprend ce qui se passe, on est capable d'innover et de créer des plats, des futurs plats de demain, parce que les chefs parlent maintenant d'expérience. Même nous, en tant que consommateurs, on va pas dans un restaurant parce qu'on crève de faim. On va pour vivre une émotion, vivre une signature d'un chef. Et on parle même maintenant de expérientiel. Alors ça va un peu loin. Donc ça veut dire que... On n'entend plus que ce mot. Voilà, donc c'est vraiment vivre l'expérience de... Et peu importe presque le plat que c'était. C'est-à-dire que Ferran Adrià, justement en Espagne, là, qui a été nommé plusieurs fois meilleur cuisinier au monde pour sa cuisine dite moléculaire, eh bien justement faisait vivre des vraies expériences. Est-ce que les gens l'ont gardé? Est-ce que c'était vraiment bon? Est-ce que c'était... Quel plat ils gardent en souvenir? Je sais pas, ils en ont mangé au moins une quarantaine. Mais c'était vivre l'expérience de... Donc nous, on se pose des questions, Orsay, sur la recherche en cuisine. Comment on peut transformer encore du chocolat? Comment on peut encore transformer un œuf? Comment on peut déstructurer une tomate pour séparer la peau, séparer les pépins, prendre de l'eau incolore, passer ça en cryogénie, avoir une mousse de, une chips de tomate, mais très croustillante, sans eau, mais qui a toutes les saveurs. Donc, vous voyez comment triturer, mais dans le bon sens du terme, la structure de l'aliment pour faire vivre après de nouvelles émotions aux clients. C'est de la cuisine moléculaire? Alors, on est étiqueté cuisine dite moléculaire. Moi, j'ai horreur de ce mot parce que cuisine moléculaire, ça veut rien dire, parce que tout est moléculaire. C'est-à-dire que, je prends souvent cet exemple, la blanquette de veau de ma grand-mère, ou alors un sachet, même un sachet de thé dans de l'eau, eh ben, c'est des infusions, c'est de la diffusion, c'est de l'oxydation, et c'est tout un tas de mécanismes physico-chimiques, moléculaires, et pourtant c'est que du thé dans de l'eau. Donc une cuisson de 7 heures, par exemple, hein, l'agneau de 7 heures, ben ça, c'est rien de plus moléculaire. Alors aujourd'hui on va dire c'est basse température. Bon d'accord, mais historiquement c'était quand même le récipient qu'on mettait au fond de la... juste à côté comme ça, basse température sur le feu, et on attendait en chaleur tombante. Voilà, c'était du bon sens. Voilà. Mais alors justement, basse température, la cuisson, on a l'impression que la science peut apporter beaucoup dans le domaine de la cuisson. Alors la science peut apporter énormément dans le sens de la cuisson, mais il faudrait aussi que la technique et les nouveaux ustensiles viennent, parce que là on parle de cuisine de futur, et quand vous regardez les poêles et les casseroles chez vous, on se dit qu'il y a encore du travail à faire. Bah, qu'est-ce qu'elles ont? Qu'est-ce qu'elles ont? Eh ben, en fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand ça boue, on nous dit souvent, ça boue, mets les haricots, ça boue, mets les œufs, ça boue, mets la viande. Mais en fait, la science vous dit que rien ne cuit à 100 degrés. Vous regardez les protéines des œufs, ça commence à coaguler dès 56 degrés. Un veau rosé ou un veau saignant ou à point bien cuit, c'est 2 degrés de différence et tout se passe entre 52 et 58 degrés. Les haricots, les légumes, tous les végétaux, ça, les celluloses commencent à se déliter à 82 degrés. Alors, c'est pas grave de cuire à 100 degrés, mais 100 degrés, qu'est-ce qui se passe? Toutes les vapeurs s'échappent, emmène avec elle les arômes, donc ça sent très bon dans la cuisine. Bon, on pourra se poser la question de savoir si c'est vraiment rassurant. Et puis surtout, 100 degrés, bah, vous surchauffez l'aliment, donc vous allez détruire les vitamines, vous allez le déliter, vous allez changer la couleur, et donc c'est trop. Donc il faudrait que, en cuisine, et j'espère qu'on va pas attendre 2050, il y ait des casseroles avec des bains-maries, juste un thermomètre qui vous dit, vous atteignez 80 degrés, stop, ça suffit, c'est la cuisson idéale par exemple. Voilà. Donc pas d'autocuiseur. Les autocuiseurs, ils ont l'avantage de nous faire gagner du temps. Ça peut être valable si vous faites vous-même vos conserves, ou si vous cuisez par exemple des haricots secs ou des lentilles ou des choses comme ça qui mettent beaucoup de temps à cuire. L'intérêt de l'autocuiseur, c'est que ça monte en pression, donc ça vous fait augmenter la température d'ébullition. Donc vous allez cuire à 110 ou 120 degrés. Vous allez gagner du temps. Par contre, pour tous les produits qui sont riches en vitamines, effectivement, là, faut éviter absolument l'autocuiseur, vous allez tout détruire. Donc les ustensiles vont changer. Il faut que les ustensiles changent en cuisine, évidemment. Est-ce que les produits vont changer? Il va falloir mieux comprendre comment extraire tous les nutriments intéressants de l'aliment. Cette orange dont on parlait tout à l'heure avec les confitures, l'intérêt c'est que vous pouvez manger les zestes, vous pouvez manger les parties blanches, vous pouvez manger les suprêmes qui sont riches en vitamine C. Et qu'est-ce qu'on va jeter de l'orange finalement? Les pépins, c'est tout. Et voyez, c'est, mais encore faut-il mieux expliquer, d'une part, trouver des nouvelles recettes, et puis avoir les ustensiles qui nous permettent, on en revient à ces ustensiles, qui nous permettent de mieux extraire soi-même les pectines, mieux centrifuger, etc., etc. Mais les produits de base en eux-mêmes, ils vont pas changer beaucoup. Est-ce que vous travaillez sur les steaks sans viande? Alors nous, on ne travaille pas sur les steaks sans viande. On regarde évidemment, il y a de la veille bibliographique. On s'intéresse aux alternatives végétales, notamment on est beaucoup sollicité sur la spiruline. Donc ça, c'est des choses qu'on regarde actuellement, effectivement, qui démarrent. 14 mars 1967, actualité française, le steak de protéines végétales vient d'être mis au point en Suisse. Faire du charolais ou du pré-salé sans passer par la méthode habituelle, c'est ce que vient de réaliser un laboratoire de Genève. En fait, l'opération consiste d'abord à extraire de graines de soja ou de coton les protéines qui s'y trouvent, ce qui est simple. Où l'affaire se complique, c'est lorsqu'il s'agit de rendre ces substances appétissantes. Les alchimistes genevois ont trouvé le moyen de transformer ces protéines en fibres par injection à travers une filière dans un bain de coagulation. Évidemment, il fallait y penser. Cette viande de laboratoire n'a certes ni l'apparence ni le goût de l'escalope ou de l'entrecôte, mais ses propriétés énergétiques sont comparables, et ceux qui en ont goûté affirment qu'elle a beaucoup de saveur. Au train où vont les choses et en vertu de la loi de réciprocité, rien ne dit qu'on ne transformera pas un jour le gigot en légumineuse. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais il y a des alternatives végétales aux protéines animales. Le pois chiche, 20% de protéines. La spiruline, 60% de protéines. Quand on compare ça avec de la viande de poulet qui contient 15%, on se dit que oui, il y a des protéines aussi dans le monde végétal. Maintenant, ça ne suffit pas parce qu'il va manquer la texture. Et ça, on l'entend très bien dans le reportage, de faire des extrusions, refaire des fausses fibres d'œufs, parce qu'on veut ce côté mâche un peu. Et puis, il y a aussi la biodisponibilité des aliments. C'est-à-dire que même si vous dites dans le pois chiche, il y a 20% de protéines, est-ce que ces 20% ils vont être aussi bien assimilés pour notre organisme que les 20% de protéines animales? Parce qu'on est quand même des animaux, et donc ça veut dire que tous les nutriments qui viennent dans notre corps, il faut qu'ils aient une forme un peu animale, pour simplifier. Et ça, vous ne pouvez pas répondre à la question encore? Alors nous, on répond à la question de... Justement, c'était très bien dit aussi, il faut que ça rende gourmand. Donc il faut que ces fibres qui soient liées entre elles, etc., bien, c'est une apparence de steak ou une fausse texture de steak. Mais... Et après, moi, le faux, je suis pas tellement favorable. C'est-à-dire que moi, les végétariens qui me parlent de faux steak, faux saucisses, faux machin, ou de joie gras ou de je sais pas quoi. Du fromage. Voilà, du fromage, du foie gras, enfin, alors pas foie gras, mais du joie gras. Enfin, on se dit, mais pourquoi copier des choses que vous êtes en train de renier quelque part? Donc, est-ce que vous pouvez pas au contraire innover et inventer des nouvelles choses? Quel est l'intérêt de compacter des fibres et d'appeler ça un steak? C'est nul. Enfin, je veux dire, excusez-moi du terme, mais il y a vraiment moyen de créer des nouvelles associations, de créer des nouveaux. Et au contraire, le quartier, c'est vaste. Le monde végétal, il y a encore plein de choses à faire. Donc, arrêtez avec vos fausses saucisses, votre faux fromage ou je sais pas quoi. Il faut fourcher pour. Voilà, ça n'a aucun sens. Qu'est-ce qu'on ne mangera plus dans 50 ans? Je pense que la viande du dimanche, par exemple, ce sera peut-être une fois de la viande par semaine. Voilà. Il y a une initiative qui a été lancée il y a quelques mois sur le lundi vert. Et ce qu'il faudrait faire, surtout, c'est la semaine verte et le lundi rouge, plutôt. Vous voyez, c'est même dans cet esprit-là qu'il faut complètement inverser la donne. Là, ce serait beaucoup plus intéressant. Il y a encore une étude récemment qui a montré qu'il suffisait de 14 grammes de viande par jour pour... à assouvir nos besoins en protéines, en fer, etc. Et entre guillemets, essayer de commencer à sauver la planète. C'est-à-dire qu'en termes d'agriculture, eh ben, ça suffit de manger même pas 100 grammes de viande par personne et par semaine. Pour faire 1 kilo de rhum steak, il faut 15 000 litres d'eau. 15 tonnes d'eau pour 1 kilo de rhum steak. Vous imaginez à chaque fois que vous allez à la cantine, que vous allez vous mettre un plat sur votre table, vous dites tiens là, il y a 15 tonnes d'eau que je suis en train de poser sur la table. Est-ce que c'est raisonnable? Donc, agriculteurs n'aiment pas du tout quand on présente les choses comme ça. Mais c'est la réalité, c'est-à-dire que ça consomme beaucoup. Pour fabriquer 1 kilo de viande, que ça leur plaise ou pas, ils ont besoin de 15 tonnes d'eau. Donc peut-être il faut raisonner aussi différemment, il faut accepter de manger moins de viande. Et dans ces cas-là, il faut aussi se diversifier. Donc moins de viande, et on parlait des produits très transformés tout à l'heure, peut-être moins. Alors, de produits transformés. Et évidemment, donc moins de viande, ça c'est la première des choses. Faire soi-même dans la mesure du possible, ça c'est sûr. Pourquoi? Parce que faire soi-même, on se rend compte du degré de transformation des produits qu'on est capable d'accepter. Quand vous prenez un épi de maïs, il est brut. Vous le commencez à le blanchir, à le cuire au barbecue, c'est déjà un produit qu'on appelle transformé. Parce que vous transformez à l'intérieur sa structure. Après, l'amidon de maïs ou la maltodextrine extraite du maïs, ça c'est des produits ultra transformés. Vous voyez les degrés de qu'on peut accepter de transformation. La cuisine, c'est une transformation de produits. Il faut arrêter avec le manger tout cru et revenir aux racines, etc. et se dire tiens, on est des comme des animaux dans la forêt, on va tout manger cru. Ça c'est aberrant aussi. Donc il y a du bon sens à retrouver. Évitons tous ces produits ultra transformés, ça faudrait qu'il n'y en ait plus, et refaire soi-même. Et pour ça, il faudrait mettre justement la cuisine dans les écoles. Il faudrait que dès 4-5 ans, on se mette à cuisiner ensemble et à reprendre les bons gestes, la saisonnalité, etc. Et on change les casseroles. Et on change les casseroles. When you told me the other day that you wanted to come back to stay and soothe me, your words they soothed me, baby. Then I heard from one of your guys, all you told me really was a lie of me. Darling, you hurt me. Ça, c'est du dessert pour les oreilles. C'était Alani qui chantait Chalala. Les aventuriers sur France Inter. Raphaël Aumont est un physico-chimiste qui imagine dans son laboratoire ce que nous mangerons demain. Il collabore depuis plusieurs années avec le chef Thierry Marx. Lui faire écouter ce que d'autres chercheurs ont inventé il y a des décennies fut un régal. Voici par exemple ce que l'on pouvait entendre à la radio en 1965, le beefsteak de pétrole. Dans des ballons sans cesse agités et aérés à 32 degrés, une pincée de bactéries mélangée à du pétrole le transforme en protéines. Autrement dit, en beefsteak, ni plus ni moins. Un beefsteak qui aurait un goût de fromage aigre ou de levure, mais parfaitement nourrissant comme le vrai. Ça vous tente ? Ça me tente pas forcément, mais la démarche est intéressante. On a vu aussi des steaks in vitro. C'est toujours intéressant de regarder comment à partir d'une matière première, parce que les matières premières sont assez simples, c'est carbone, hydrogène, oxygène, azote. Si on trouvait un réacteur magique, bah la vie d'ailleurs est un réacteur magique, c'est-à-dire qu'à partir de ces quatre atomes, on fabrique des protéines, on fabrique la vie, on fabrique tout un tas de molécules, des plastiques comme des protéines, comme tout. Et tout ça finalement, c'est que des histoires de longueur de chaîne et d'association d'atomes. Donc c'est pas choquant pour un chimiste, si vous voulez, de se dire, bah allez, je prends 6 atomes de carbone, 12 atomes d'hydrogène et plouf, plouf, plouf, un peu d'oxygène et je fais du sucre. Après, est-ce qu'on est capable de le manger ? Et c'est encore autre chose. Et surtout, est-ce que dans tous ces degrés de transformation chimique, est-ce qu'on n'a pas à chaque fois des résidus dans les réactions ? Et qu'en pense Thierry Marx de ces expériences un peu qui peuvent sembler un peu bizarres, hein. Alors il faudrait demander à Thierry évidemment, mais je connais déjà depuis 10 ans et on est quand même sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire que Thierry est quelqu'un de très ouvert, donc c'est toujours intéressant de regarder tout ce qui se fait et après on prend ou on prend pas. Il y a des gens qui disent oui mais ce steak in vitro par exemple il valait 250 000 euros, mais forcément c'est un prototype, c'est la recherche, ça c'est cher. Ce qu'on a inventé l'an dernier, oui mais ça n'a aucun sens de dire ça vaut 250 000 euros. Le premier prototype du micro-ondes, il valait peut-être 1 000 000. Aujourd'hui, vous l'achetez à 50 euros sur n'importe quel site internet. Donc, le prix comme ça de la recherche un peu brute, c'est pas vraiment un critère, mais et Thierry et évidemment moi en tant que chercheur, on est toujours ouvert sur toutes les recherches dans tous les sens. Et justement, puisque vous le fréquentez depuis longtemps, oui. Est-ce que vous êtes en mesure d'imaginer un repas de fête en 2050 ? Repas de fête, bah, ça doit d'abord être la fête. Donc pour être la fête, il faut que ça fasse plaisir à ses invités, à ses amis. Et moi, je pense que le repas du futur, c'est des petites émotions comme ça, des petites touches, des petites dégustations. On peut rester presque sur des types entrée, plat, dessert. Mais on peut couper aussi avec des dégustations de boissons non alcoolisées. Hein. Par exemple, vous prenez du thé, vous prenez des choses comme ça entre des plats. Et ces petits degrés d'amertume sont très intéressants parce que ça va vous laver le palais et vous allez pouvoir passer à autre chose. Et c'est comme ça que vous pouvez manger 10-15 plats sans problème, des petites portions, parce que vous lavez vos récepteurs et c'est comme si vous remettez à zéro. Donc on peut repartir sur des petites entrées de viande, des petites entrées de poisson, et chaud, froid, des petits degrés d'acidité différentes. Ça, c'est des choses intéressantes. Est-ce qu'on garde sa vieille vaisselle ? On va garder sa vieille vaisselle pour justement des souvenirs, et parce que c'est toujours beau d'avoir l'assiette de la grand-mère avec la bordure d'or qui nous rappelle le Noël d'il y a 20 ans et tous ces bons moments. Et puis il y a des fois des très très belles vaisselles en porcelaine, des choses comme ça. Et puis aussi on peut évoluer vers des choses à manger avec les doigts, avec des baguettes. Et puis des fois il y a les aliments qui vont devenir eux-mêmes des contenants. C'est intéressant, manger contenu et contenant. Si on imagine un emballage de demain comestible, eh ben on mange tout, il reste plus rien. Et là, il y a plus de vaisselle. Si vous regardez un poireau ou une asperge, c'est intéressant parce que vous avez plein de fibres. Et on sent qu'il y a une flexibilité dans un sens, une très très forte rigidité dans l'autre. Et on se dit, mais ça c'est déjà un matériau intéressant. Si je prends ces fibres, qui sont pas très digestes, hein, mais qu'on les met dans des algues, qu'on les fait prendre, etc., on peut fabriquer une cuillère en plastique. Mais plastique végétal, hein, mais qui tient. Donc on regarde beaucoup de choses dessus. Là, on a beaucoup d'étudiants sur ces projets-là. 27 novembre 1968, télévision française. Les sablés au pétrole du pâtissier de Martigues. Déjà adapté à cet an 2000 dont nous sommes menacés depuis si longtemps, un certain pâtissier de Martigues fait des biscuits qui, dit-on dans le pays, donnent du punch. Avec une farine qui vient de la raffinerie de pétrole voisine. Vous en mangez pour vous, ça ? Oui. Est-ce que les gens vous en demandent pour donner un coup de fouet, enfin ceux qui savent ? Alors, ils me demandent, Titain, qu'est-ce que tu fais ? Ben, je leur dis, c'est grave. Il paraît qu'avec 3 galettes de ce genre-là, il y en aura assez pour nourrir un bonhomme pendant une journée. Ah, ça fait envie, hein. Je suis pas sûr. Mais je sais pas trop ce qu'il y a dedans. Mais faudrait savoir comment ils faisaient ça et est-ce que c'était pas de un empoisonneur. De la farine à base de pétrole. La farine à base de pétrole, oui. Bah oui. Bon, je sais pas s'il est pâtissier ou assassin, mais Il y a pas de ça dans votre laboratoire. Non, pas du tout. Nous on travaille vraiment sur des aliments, des vrais aliments, c'est-à-dire c'est la vraie orange, c'est la vraie tomate, la vraie pomme, mais on essaye de tout extraire de cette pomme pour ne rien jeter. Voilà, donc c'est vraiment cette approche de zéro déchet, mais on part sur des vrais aliments. « Et vous prenez en compte le goût, l'odeur, la couleur? Alors, la cuisine est une affaire de tous les sens qui sont en éveil. Et ça, c'est quelque chose de très important. Ça se contente pas des cinq saveurs, et d'ailleurs, il n'y en a pas cinq sur la langue. Il y a toute la rétro-olfaction, le nez avant tout, et puis on mange surtout avec les yeux. Donc, il faut visuellement, il faut que ça ait du sens, il faut que ce soit appétissant, aussi subjectif que cela puisse être d'ailleurs. Hein. Mais justement, on parlait d'imprimante 3D, bah peut-être changer les formes. On en a peut-être aussi assez de toutes ces assiettes avec la poudre d'épices sur le côté, le trait de sauce, les choses qui sont très régulières, les finger food, là, comme ils disent, avec tous ces petits beaux rectangles coupés à la... vous regardez la pâtisserie actuellement, c'est des bijoux. C'est presque ennuyeux. Mmh. Tous les grands chefs font la même chose. Vous regardez leur Instagram, mais on se dit, mais qui a copié sur qui? Donc c'est triste, parce qu'on se dit, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de créer le nouveau moule de demain, la nouvelle forme de demain? Et pourquoi la nouvelle forme? C'est surtout pour de nouvelles émotions. Waouh, il se passe un truc, ça ressemble pas au voisin. Donc il faut travailler là-dessus. Et vous en avez fait, vous, dans votre laboratoire? Alors on travaille, on a une imprimante 3D, et on travaille effectivement sur des nouveaux objets, mais ça c'est presque déjà dans le côté application. Nous on est vraiment dans un laboratoire de recherche, et qui dit laboratoire, nous, on se focalise vraiment sur les textures. On n'est pas là pour aboutir un plat. Ça, c'est un peu la différence. Donc, vous prenez en compte tous les sens? Il faut qu'on prenne en compte tous les sens. Nous, on travaille beaucoup sur la texture, mais la texture conditionne aussi le goût. C'est-à-dire que si vous avez une texture un peu ferme, les molécules aromatiques sont piégées dans cette texture. Et est-ce qu'elles vont pouvoir sortir facilement pour venir sur vos récepteurs? C'est pas sûr. Donc, une mousse n'a pas le même goût qu'une gelée, qui elle-même n'a pas le même goût qu'une chips. Mmh. Et donc, on peut faire une chips de tomate en disant « Regarde, c'est très croustillant, puis c'est très rouge, mais est-ce que c'est encore bon ?» Ou une gelée qui va être très jolie, très bien découpée, mais est-ce qu'elle a encore du goût ? Donc, il y a ce compromis qui est très intéressant entre structure, texture, saveur, couleur et odeur. Deux ingrédients identiques, mais qui n'ont pas la même couleur, ne sont pas perçus de la même façon ? Tout à fait. On est conditionné par la couleur des choses et parce qu'il y a des codes. Le rouge, c'est la vitesse, c'est agressif, c'est connoté. Prenez une voiture de sport verte, bah c'est étrange. Une voiture de sport rouge, à tout de suite, elle va plus vite. Vous voyez, c'est donc on va imaginer quelque chose de rouge, c'est de la viande, c'est saignant, c'est de l'énergie, c'est l'orange, cette boule orange, ah bah c'est de l'énergie, c'est la vitamine C. Bah il y a trois fois moins de vitamine C dans l'orange que dans du persil. Et l'odeur? Et alors l'odeur, évidemment, alors il faut commencer par l'odeur. On mange trop vite actuellement, c'est-à-dire que quand vous regardez, tout de suite on met dans la bouche et on dit est-ce que c'est bon. Et il faut d'abord sentir, parce qu'on a les premiers arômes, on commence à se familiariser, on commence à mettre le cerveau en éveil, et là on a vraiment des goûts extrêmement intéressants. J'ai fait un livre sur la parfumerie culinaire, je l'ai appelé comme ça, parce que c'était vraiment cette approche de, on mange des notes de tête, des notes de cœur et des notes de fond. On mange pas que cinq saveurs ou six saveurs, ou le sel, le sucre, etc. Donc il y a tout un monde aromatique qui est extrêmement intéressant. Faut pas hésiter à respirer quelque chose et avaler autre chose en même temps. Ça, c'est très intéressant. Et ouais. Voilà une bonne idée pour la cuisine du futur. Et oui, tout à fait. C'est-à-dire que jouer sur... On pourrait imaginer une assiette, et on parlait des nouveaux contenants, des nouveaux ingrédients. On pourrait aussi avoir petites choses qui viennent sentir ou parfumer comme ça localement au niveau du nez. Et vous pouvez manger, par exemple, même si on reste sur du steak, un steak, et sentir du romarin. Pas forcément avaler du romarin, juste sentir ce romarin un peu froissé, un peu juste broyé à la minute. Et là, d'un coup, on part sur des choses comme si c'était grillé, comme si on était dans un jardin, parce que l'olfaction est liée directement au souvenir. Et donc, c'est immédiat. Le voyage, il faut faire voyager le consommateur, et par les odeurs, on arrive à voyager. On écoute Bastien Lallemand, avant midi. Viens. Mon ami, partons le cœur léger, la route est longue. Avant midi, nous devons arriver, la route est longue. Longtemps j'ai douté, longtemps je l'ai redouté, le moment est arrivé. De te dire adieu, de te conduire en heure et lieu. Oh les cœurs, avançons, il ne faut pas faiblir, la route est longue. Avant midi, l'affaire sera réglée, la route est longue. J'ai goûté ton si jamais n'oublierai nos balades dans les fourrés. Je t'emmène faire un tour, le dernier tour des fossés. Allez, avançons, il ne faut pas traîner, la route est longue. Avant la nuit, je dois être rentré, la route est longue. Combien de sillons labourés, combien de saisons et combien d'acres de blé. Les années, mon vieux, ont passé, ce que la vie nous a gâtés. Donne-moi ton dernier trot, la route est longue. Avant midi, le glas devra sonner, la route est longue. Longtemps redouté, longtemps, je l'ai repoussé, le grand jour est arrivé de t'emmener faire. Le dernier tour de nos prêts. Tous les jours, dans son laboratoire à Orsay, Raphaël Aumont cherche à faire naître de nouvelles émotions gustatives. Il adore par exemple les siphons avec lesquels il fait des mousses aériennes, des gâteaux sans œufs et sans gluten. Cela est plus prometteur pour les papilles que ce que les chercheurs de l'Institut National de la Recherche Agronomique proposaient en 1987. Un chef cuisinier, trois téléspectatrices gastronomes et deux enfants se sont portés volontaires pour tester en candide les aliments préparés actuellement dans les laboratoires de l'Institut National de Recherche Agronomique. Vous attendez avec impatience. Bonjour. Madame Thomas, qu'est-ce qu'il y avait dans ces beignets ? Eh bien, je pense qu'il y avait de la morue. De la morue ? Oui, ça ressemble tout du moins. Vous avez aimé ? Pas tellement. Ce que vous avez mangé, c'est des beignets façon poisson, mais sans poisson. Le poisson a été remplacé par des protéines de fèvrole filées. Et voici votre plat de résistance que vous allez pouvoir continuer à se manger. Voilà. C'est filandreux. C'est du bourguignon de protéines de fèvrole. La fèvrole est une légumineuse qui est cultivée chez nous en France. Quel est l'intérêt de ce genre de produit ? Nous avons un produit qui est 100% protéines ou à peu de choses près, donc pas du tout de lipides. Le deuxième intérêt, c'est la régularité de fabrication. Et le troisième intérêt, c'est un intérêt économique. Nous avons des produits qui, quel qu'il soit leur mode de fabrication, auront un prix de revient qui variera entre 10 et 15 francs le kilo. Ça, c'était il y a plus de 30 ans. On ne les a pas vus, ces produits ? Non, on ne les a pas. Alors, plus ou moins quand même, ça c'est des techniques du coup qui ont été prises par l'agroalimentaire. Et c'est assez triste de voir que c'est presque un institut de recherche qui s'interroge sur faire un produit à bas coût et qui est rentable et qui est... Bref. Mais il y a quand même ce souci de, quand on parle des cordons bleus, quand on parle des nuggets et des choses ultra transformées d'aujourd'hui, on se rend compte quand même que l'agroalimentaire utilise des fibres, prend des fibres quand même de... Enfin... prend des restes, des fois de carcasses animales, etc., enfin des bas produits. Pour en faire des fibres. Voilà, pour extraire. Et en plus, après, ils vont rajouter des fibres de pois, ou ils vont couper ça avec des fibres d'amidon, pour donner cette texture de viande sans viande. Plus rajouter de l'eau, des huiles et des choses comme ça. Donc il y a quand même cette démarche de fabriquer du faux. Hein, vous voyez, dans tous les reportages, finalement, depuis 50 ans, on se posait la question, qu'est-ce qu'on mangera en 2000? Puis en 2000, on se posait la question, qu'est-ce qu'on mangera en 2050? Mais il y a toujours cette idée de, on va transformer la nourriture, mais on va un peu triturer, on va trafiquer, on va couper, on va faire du faux truc de... Et c'est toujours ça qui est un peu triste, finalement. Et donc là, vous êtes en train de dire, on fait plus de faux. Je pense qu'il faut arrêter avec le, on va vous faire croire qu'on vous fait un faux viande, un faux steak, un faux machin, parce que, pourquoi faire, quoi? Donc, soit il y a des vrais enjeux de se dire, bah, on va être 10 milliards sur Terre, il va falloir nourrir tout le monde. Donc on peut plus manger, effectivement, de vrais steaks, mais pourquoi faire un faux steak? Dans ces cas-là, on arrête tous les steaks et on fait autre chose. Donc le défi, c'est ça, c'est nourrir 10 milliards de personnes. Alors c'est les statistiques, hein, c'est 2050, 10 milliards sur Terre à se partager les mêmes ressources, hein, celles qui sont là depuis le début, hein, ça. Alors là, la phrase de Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se tout se transforme, mais rien ne se crée surtout, hein, rien ne se crée, ça veut dire qu'il va falloir qu'on vive avec ce qui existe actuellement, et c'est tout le challenge, hein. Donc va y avoir des problèmes de ressources d'eau. On le voit déjà, mais le stress hydrique là va vraiment l'emporter. Et donc il va falloir manger mieux et manger plus intelligemment surtout, et dépenser moins d'énergie. Et donc quels sont les défis qui sont à relever en matière de cuisine ? Alors en matière de cuisine, il va falloir toujours garder cet aspect gourmandise, mais répondre aux problématiques qui sont de nourrir tout le monde, l'apport en protéines, parce que c'est quand même la vie, l'apport en eau, et puis répondre à toutes ces problématiques aussi qu'on voit sur les allergènes, donc les sans lactose, les sans gluten, les sans machin. Alors c'est des tendances. Certains sont vraiment allergiques et donc effectivement il faut qu'il y ait une vraie alternative possible. Et puis aussi des fois des tendances culinaires, mais il faut pouvoir répondre à ces tendances culinaires. C'est-à-dire que soit un chef aujourd'hui décide de dire non, moi tous ces sans gluten, sans machin, j'en veux pas, donc c'est non. Mais il va perdre 25% de son chiffre d'affaires, parce qu'actuellement, un ticket sur 5, c'est « oui, mais moi, ce sera sans lactose, moi, ce sera sans gluten, moi, c'est sans machin, vrai ou pas vrai, mais il faut que le cuisinier de demain puisse y répondre. » Donc voilà les nouveaux enjeux. Et qu'est-ce que vous faites pour le problème de l'eau ? Alors pour le problème de l'eau, eh bien, on parlait des ustensiles, par exemple, en cuisine, c'est-à-dire que les modes de cuisson, cuire à 100 degrés, donc tout s'évapore, et on se dit « mais quelle quantité d'eau ?» part comme ça dans la pièce, et est-ce que c'est nécessaire? Un légume, c'est 90% d'eau. Donc finalement, il a déjà assez d'eau. Il faut juste le porter à bonne température pour que cette eau réagisse et commence à couper un peu les fibres et attendrisse le légume. C'est tout ce qu'on a besoin. Et donc, on pourrait se dire, est-ce que cette cuisson dite à l'anglaise, vous savez, vous prenez un grand récipient d'eau, à ras-bord, vous mettez plein de sel, on ne sait pas pourquoi, mais on en met plein, on met une poignée de haricots là-dedans, et après, on prend les haricots, on les cuit, on les met bien vite dans, pareil, 10 kilos de glace pilée pour que ça stoppe la cuisson. On se dit, mais il faut arrêter d'avoir besoin de 50 litres d'eau pour cuire une poignée de haricots. Et toute cette eau qui s'évapore dans les hottes, voilà, il va falloir repenser aussi la hotte de demain. Est-ce qu'on peut pas récupérer toutes ces eaux de cuisine? Pour, soit d'abord c'est des arômes extrêmement intéressants, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous cuisinez chez vous, des fois vous dites « ah ça sent bon ». Vous êtes invité chez des amis, vous dites « ah ça sent bon ». Moi je me dis toujours « mais... » Chez moi aussi ça sent bon. Oui, alors moi je vous conseille qu'il faut pas que ça sente trop bon. Pourquoi? Parce que tous ces arômes, vous les mangerez jamais. Ils sont partis dans la pièce, ce sont des parfums, comme nous on se parfume le matin, c'est presque pour parfumer, pour que ces molécules s'évaporent dès 30 degrés la température de la peau, parcourent plusieurs mètres et arrivent dans votre nez en gros, hein. C'est ça l'idée. Et donc on se dit, mais vous cuisez, vous flambez même un cognac ou vous cuisez un jus d'orange, ça sent très vite l'orange ou le cognac dans la pièce, donc vous ne mangerez jamais ces molécules-là. Donc vous voyez, c'est pas intéressant de chauffer à haute température, et surtout pourquoi ça s'évapore? Parce que l'eau part aussi avec. Et donc, faut récupérer toutes ces vapeurs parfumées, soit parce que ce sont des arômes très précieux qu'il faut pouvoir remettre en dernière minute dans le plat. Ça, c'est intéressant. Soit, toute cette eau, même si elle est pas très bonne, parce que, par exemple, vous regardez des recettes et puis on vous dit réduire au tiers la sauce. Donc, 2/3 d'eau doivent partir pour concentrer. Ces 2/3 d'eau ne sont pas très savoureuses. Mais, l'idée, c'est peut-être d'arroser les plantes avec. Vous voyez, ou d'avoir un mur végétal dans sa cuisine de demain. Et finalement, on travaille à circuit fermé. Est-ce que vous travaillez avec des industriels ? Alors, on travaille avec des industriels à Orsay dans le cadre de la chaire universitaire, puisqu'on est financé par un principe de mécénat. Oui, tout à fait. Et donc, vous travaillez avec des industriels qui fabriquent des aliments, qui fabriquent des ustensiles ? Alors, on travaille avec Danone, qui a fait des travaux avec nous sur le yaourt de demain. On a aussi voulu travailler avec un équipementier, justement pour travailler sur le siphon de demain, la casserole de demain. Donc ça, c'est avec Chaumette et puis les cuisines pérennes. Et on travaille avec les chocolats Valrhona. Voilà, donc tous ces gens-là financent et cofinancent le labo. Et ils vous posent des questions comme quoi ? Par exemple, avec Valrhona, on travaille sur la gourmandise raisonnée, c'est-à-dire la pâtisserie, qu'on connaît tous, le chocolat très bien, sauf que le chocolat plus la crème, plus les œufs, plus le beurre, plus le, ça commence à faire beaucoup de calories. Est-ce qu'on peut avoir cet axe ? D'abord le plaisir, la santé, et après éventuellement les calories, vous voyez, c'est-à-dire arrêter de culpabiliser parce que vous hésitez à prendre un opéra ou un Paris-Brest. Voilà, c'est quand même super bon. Donc moi je veux manger le Paris-Brest en 2050, mais s'il pouvait avoir un peu moins de calories, mais tout en gardant ce merveilleux goût de noisettes et de pâte à choux, bah tant mieux. Mais il sera fait de quoi ? Ah ben, il doit être fait de pâte à choux et de noisettes. Moi, je mise beaucoup sur la technique et la technologie, la physique. C'est-à-dire que, en injectant du gaz, eh bien, on est capable d'enlever la levure chimique. En cuisant sous vide, il y a une thèse au laboratoire actuellement sur des cuissons sous vide. On imagine le four de demain où on aspire pendant qu'on cuit. Mm-hmm. Vous voyez, et donc là, votre gâteau, il va faire 3 fois plus de volume sans levure. C'est intéressant. Au fait, votre bœuf bourguignon, eh bien, le liquide parfumé va rentrer de force, entre guillemets, dans la viande, parce que comme vous chassez l'air, eh bien, le liquide va rentrer à la place de l'air dans le légume ou dans le fruit, ou dans la viande. Et donc, ça va parfumer à cœur. Donc, voilà la physique, comment ça peut aider ou contrebalancer tous ces trucs d'additifs et de chimie. Donc, plus de physique et moins de chimie. Plus de physique et moins de chimie. Ça, moi, j'en suis convaincu. 17 avril 1952, Radio-Télévision française. Extrait d'une fiction sur la cuisine synthétique ingurgitée par les prisonniers du futur. Oh, quelle abomination! Mmh. Ah. Mais qu'est-ce que c'est que cette saloperie? Dites donc, citoyens, surveillez vos expressions. Oh, bon Dieu, quel est l'empoisonneur qui a bien pu... Attention, n'insultez pas l'ingénieur alimentaire de la maison. Hein. L'ingénieur? Mais oui, le chimiste éminent qui dirige le laboratoire pénitentiaire où s'élaborent les nourritures de remplacement destinées aux pères de familles nombreuses et autres crapules. Les nourritures de remplacement? Vous en avez dans votre gamelle un remarquable spécimen. Oh, ça vous a un premier goût de papier mâché et un arrière-goût de crevette pourrie, votre spécimen? C'est de la soupe au plancton. Au plancton marin. Moitié algue microscopique et moitié crustacé imperceptible. Moitié phytoplancton pour la légume et moitié zooplancton pour la viande. C'est sensationnel. C'est bourré de protides, de glucides, de lipides et de vitamines, pour ne pas parler des calories. Et vous croyez que je vais absorber cette saleté-là? Vous me prenez pour un poisson? Mais bien sûr que vous allez en bouffer du plancton. Et pas seulement du plancton. Pitié! Pour qui le bon boudin, la sciure de bois? Oh, pitié, pitié, tout mais pas ça. Donc qu'on m'enchaîne, qu'on me pende par les pieds, qu'on me fouette, qu'on me torture, mais pas ça. C'était en 1952. C'est rigolo, c'est non? Très rigolo, ouais, d'accord. Le plancton, bah, ça va être, je pense, une réalité aussi. Hein. On parle des micro-algues et des choses comme ça. Après, le boudin coupé à la sciure de bois. C'est une autre histoire, mais c'est des fibres. Mais vous savez, on n'est pas si loin hein, quand vous regardez les étiquettes. Hein, vous regardez cette notion de couper le produit, de diluer, parce que ça coûte moins cher finalement. C'est ça, vous, la sciure de bois, c'est pas digeste, c'est pas toxique non plus quelque part, donc vous pouvez en mettre un petit peu, voilà. Alors, ils vont, bien sûr, l'agroalimentaire actuel ne met pas de sciure de bois, mais ils mettent des fibres plus ou moins coupées, ce qu'on appelle des agents de charge, donc c'est des choses qui prennent de la place, qui prennent du volume et qui vous amènent faussement à satiété. Et les nouveaux ingrédients qui vont apparaître, c'est ça, ce sont les algues, le plancton? Alors il va y avoir des algues, je pense que les algues c'est indispensable et effectivement c'est une très belle source de protéines, d'oméga 3 aussi. Et puis il y a aussi des choses comme ce qu'on entend parler un peu des super aliments ou des choses comme ça. C'est quoi les super aliments? Super aliments, c'est des produits type par exemple la baie de goji. Le sésame aussi, qui pourrait être classé comme super aliment. On sait aujourd'hui que ce sont des produits qui renferment énormément de principes actifs, des antioxydants, des anti-vieillissants, beaucoup de fer par exemple, donc plein de nutriments. Donc c'est-à-dire que c'est un apport qui est remarquablement fort en oligo-éléments, choses comme ça. Voilà, donc c'est pour ça qu'ils appellent le terme de super aliment. Et pour résumer, peut-être moins, mais mieux. Ah bah voilà, vous venez de tout résumer. Mangez moins, mais mangez mieux. Comprenons ce qu'on mange. Voilà le message. Et surtout, faisons-nous plaisir avant tout. Raphaël Aumont est l'auteur de plusieurs ouvrages consacrés à la cuisine. Le dernier, Les couleurs de la cuisine, est paru chez Duno. Cette émission, comme toutes celles de cette série, est disponible en podcast sur Internet. Oui, toutes les émissions de l'été sont d'ores et déjà en ligne sur franceinter.fr. Stéphanie Texier réalise Les Saventuriers avec Rebecca de Nantes. La programmation musicale est signée Djoubaka. À la documentation musicale, il y a avec Romain Couturier. Au programme demain, la médecine du futur. Jean-François Deleuze, directeur du Centre national de recherche en génomique humaine, nous dira ce que l'on peut attendre de la médecine personnalisée. Très bonne fin de journée sur France Inter et à demain.